Ô merveilleuse mer. Ô merveilleuse mer, entre les doigts du vent, tu fais frémir en moi les cordes de la lyre. Viens me prendre dans tes bras de folle soif souvent. Berce-moi dans l'éclat profond de ton délire, et par-delà le jour où toute force expire, comme un flot de bonheur qui roule son empire, jusqu'où se meurt la mort et la détresse pire, par tes vagues au loin qui savent me le dire, ô flots insouciants de moi, je te désire.